Le ministère coréen des Affaires étrangères a organisé le 14 une séance d'explication de la situation pour les diplomates des pays asiatiques en Corée. Y ont participé les ambassadeurs mongols, vietnamiens, laotiens, indonésiens et indiens et les chargés par intérim cambodgiens, malaisiens, iraniens et pakistanais. Choi Hee-chol, directeur chargé de l'Asie et de l'Océanie du ministère des Affaires étrangères, a informé tout d'abord de la position de principe de la Corée en matière de récent essai de l'explosion de l'ogive nucléaire. Il a indiqué que la menace et le chantage nucléaire cruel américain n'a apporté que le renforcement continu de la capacité coréenne de frappe nucléaire et que la Corée n'abandonnera jamais les armes nucléaires et renforcera toujours les forces nucléaires nationales de façon quantitative et qualitative pour mettre un terme une fois pour toutes à la politique américaine d'hostilité envers la Corée. Il a appelé les pays asiatiques à comprendre mieux la cause principale de l'aggravation de la tension dans la péninsule coréenne et à maintenir l'impartialité et la neutralité dans le problème de la péninsule coréenne. Ensuite, le directeur Choi a informé en détail de l'état de l'inondation causée au nord de la province du Hamgyong du Nord. Il a dit que le Parti du Travail de Corée et le gouvernement coréen ont arrêté la construction de tous les projets importants comme l'avenue de Myon et mobilisé au relèvement de la région inondée tout le potentiel humain, matériel et technique du pays. Il a appelé les pays asiatiques qui ont de longs liens d'amitié et de coopération avec la Corée à collaborer activement au relèvement des dommages. Les représentants diplomatiques étrangers ont exprimé une profonde sympathie aux énormes dommages humains et matériels en Corée dus à l'inondation et aussi l'intention de soulever à leur gouvernement le problème d'offre des aides humanitaires urgentes dans les meilleurs délais et de s'efforcer pour leur réalisation.